Amis humains, bonjour. Sanctions contre la Russie et embargo. Qui sont les cocus de l'histoire? Écoutez. Et Victor, t'as pas cherché sur Le Bon Coin? Paraît qu'il y a une annonce à vendre deux bateaux de guerre. Et t'as neuf. Prix intéressant. Visible Saint-Nazaire. Faire offre Monsieur François Hollande, Palais de l'Élysée, Paris, France. Tu rigoles, loul. Mais on en est presque là. Ces barlus, on les a remboursés aux Russes. 1,2 milliard. Pour les revendre, il faudra les dérussifier, c'est-à-dire supprimer tous les systèmes de communication, les Russes ne tenant pas que l'on connaisse leur mode de transmission, il faudra aussi refaire toutes les indications marquées en écriture cyrillique, etc., etc. Ça va coûter encore quelques dizaines de millions. Puis, tant qu'on ne les a pas refourgués, il faut les garder en état, les surveiller, payer les taxes de quai. Toutes ces bricoles coûtent 1 million par jour. Voilà où mène l'alignement servile de notre amiral de pédalo sur les dictats états-uniens. Sans compter l'image désastreuse de la France en tant que fournisseur de belles machines à tuer. Quant aux états-uniens, ils rigolent bien, ils éliminent ainsi un concurrent sur le juteux marché mondial des armements, tout en construisant, eux, en Russie, une usine d'assemblage d'hélicoptères militaires. Qui c'est les cocus de l'histoire? Bof. Pas tellement, François a été invité d'honneur par ce grand démocrate de président égyptien à qui il a fourgué quelques rafales. Mouais. Seront-ils payés un jour? Mais ce n'est pas tout loul. L'attitude de caniche obéissant de François par rapport à Obama dans l'affaire des Mistral se paie aussi, en retour, de l'embargo russe sur les produits agroalimentaires européens, et en ce qui nous intéresse, français. D'où les manifestations des agriculteurs et des éleveurs qui ne décollèrent pas. Exactement. Le plan d'urgence adopté dans la panique par le gouvernement coûtera autant que le remboursement des Mistral. Ce qui double déjà la mise. Il faut savoir que les exportations de produits à base de barbac ont dégringolé de façon abyssale. Pareil pour les produits laitiers, notamment les fromages ainsi que les fruits et légumes. Cette dégringolade n'est pas uniquement due à l'arrêt des importations directes russes, mais en limitant les capacités d'exportation d'autres pays européens, l'embargo les pousse à écouler une grande partie de leur production sur le marché européen qui est alors saturé, avec pour conséquence la chute des prix. Et les grandes surfaces qui profitent de cette aubaine pour se gaver en achetant de la barbaque allemande ou polonaise et des fruits et légumes espagnols. Et voilà les tracteurs dans les rues, et voilà des tonnes de fumier devant les préfectures et les grandes surfaces, et voilà des contrôles, FNSEA aux frontières, balançant de la bonne nourriture par terre alors que d'autres crèvent de faim. D'ailleurs, une des premières revendications des agriculteurs et éleveurs en colère, c'est l'arrêt des sanctions contre la Russie qui ont provoqué en retour l'embargo russe sur les produits agroalimentaires en provenance de l'Union européenne. Parce qu'il n'y a pas que nous qui morflons. Un institut autrichien d'études économiques, le WIFO, estime que les sanctions contre la Russie entraîneront des pertes de 106 milliards pour l'économie européenne et la suppression de 2,5 millions d'emplois dans l'UE. Selon cet institut, c'est l'Allemagne qui sera la plus touchée par les retombées des sanctions européennes et les contre-sanctions russes. 500 000 personnes licenciées et l'économie allemande perdra 29,9 milliards d'euros. En Pologne et en Italie, 302 000 et 300 000 personnes respectivement seront licenciées. Toutefois, les dommages causés à l'économie ne seront pas les mêmes, 16,3 milliards d'euros pour la Pologne contre 5,4 milliards pour l'Italie. On n'est donc pas les plus à plaindre. Et puis, les autorités russes profitent de l'embargo pour développer leur secteur laitier et d'élevage, si bien que ces marchés ne se rouvriront jamais. Tout ça pour obéir au dictat états-unien de casser tout rapprochement entre l'Union européenne et la Russie avec le fallacieux prétexte de l'Ukraine. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.